Astropolis, les 14, 15 et 16 août 2003 à Brest. Bye. Depuis 8 ans, le rendez-vous des musiques électroniques en France. Astropolis. We'll be right back. Astropolis, 3 jours de fête, 20 DJ, 30 lives, répartis sur 5 lieux. Techno. Astropolis, les 14, 15 et 16 août à Brest, avec Too Many DJs, Miss Kittin, Hélène Alien, Jeff Mills, Def Clark, Manuel Malin et bien d'autres encore. We'll be right back. Do not fulfill his promise. You will die in the fiery depths of hell. Do not be deceived. There's only one planet. God made only one son, and you killed him. Astropolis, toutes les infos du festival sur www.astropolis.org. Retrouvez Hélène Alien, le vendredi 15 août, au Festival Astropolis. Electropolis, le rendez-vous des musiques électroniques. Les 14, 15 et 16 août 2003 à Brest. 20 DJ, 30 lives, répartis sur 5 lieux. Astropolis, 3 jours de fête avec Too Many DJs, Miss Keating, Hélène Alien, Jeff Mills, Def Clark, Manuel Malin et bien d'autres encore. Toutes les infos sur www.astropolis.org.